J'ai rêvé de mon avenir dans l'avion. Un Merco, un Glock et un pavillon. Elle me joue de l'Afrique comme tapillon. Les jambes en l'air, ouverture papillon. Pour quitter cette merde, il faut 3 millions. Capuche sur la tête, on n'est pas mignon. Fais péter le ton Pérignon. Lâchez près du cachet en showcase vers Avignon. Mais c'est toujours dit que j'étais pas de ce monde. Violent quand le diable embrasse l'homme. J'finis le boulot, j'vais à Barcelone. Laissez mes souvenirs en bas de ce hall. Le chemin du poste à la tonne. Un malheur n'arrive jamais seul. On t'allume sous ton parasol. Toujours attrapé par le sale, ouais. Le gosse qui a fait en moi, hein. À la guerre, il mort si jeune. J'ai fait que 14 échelles. J'ai que la moula comme oxygène. Chez nous, y'a des choses qu'on ne déclare pas. Tu connais LRLV. J'fais danser la défense comme Ben Arfa. 3 maisons minimum. On fait pas de cinéma. Le four certifié multiplatinum. Les clients défilent dans le bâtiment. Putain de merde, c'est de la paix. J'm'en remets pas. Tu vas bientôt me connaître si tu me connais pas. Ouais, 3 maisons minimum. On fait pas de cinéma, le four certifié multiplatinum. Les clients défilent dans le bâtiment. Putain de merde, c'est de la peuf, j'm'en remets pas. Tu vas bientôt me connaître si tu me connais pas. Ouais, j'ai de la cash, hein. J'ai de la haze, ouais. J'écris dans la brèche, hein. Chaud comme la braise, ouais. Et j'dis adieu à la hesse. La la la, un sirop, un blunt à la fraise. La la la, la rue la vraie me connaît bien. On n'est pas des comédiens. On veut pas plaire aux ladies. Bientôt sur les gros médias. Quartier dangereux, mauvais gadjo. Maintenant j'suis dans le jeu. Comme Jadon Sancho, rien n'a changé dans mon ghetto. Le même blocage, le même réseau. 2-3 mélos, 2-3 kilos. Rien n'a changé dans mon ghetto. 3 maisons minimum. On fait pas de cinéma, le four certifié multiplatinum. Les clients défilent dans le bâtiment. Putain de merde, c'est de la peur, j'm'en remets pas. Tu vas bientôt me connaître si tu me connais pas. Ouais, 3 maisons minimum. On fait pas de cinéma, le four certifié multiplatinum. Les clients défilent dans le bâtiment. Putain de merde, c'est de la peur, j'm'en remets pas. Tu vas bientôt me connaître si tu me connais pas. Ouais, minimum, moula minimum. Minimum. Million minimum, minimum, Merco minimum, minimum, 2-3 maisons minimum, 2-3 maisons minimum, moula minimum, que de la peufra minimum, million minimum, 2-3 millions minimum, Merco minimum, projet LR.